Les comités slovaques et italiens pour le souvenir du général Kim Jong-il sont constitués respectivement le 21 à Bratislava et le 25 à Rome. Les comités ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles comme rendez-vous de souvenirs, séances de films et expositions de photos à l'éloge de sa noble vie sacrée et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité algérien pour le souvenir du général Kim Jong-il a eu lieu le 22 à l'Union générale de la jeunesse d'Algérie, alors que la fondation du comité moldave le 23 dans la ville de Tiraspol, sous les auspices communs de l'Union de la jeunesse Sungun d'études des édujutés et de l'association de la révolution Sungun et anti-impérialiste pour l'étude des édujutés de Polidine Strobier.